Tout le monde est parti ce soir, plein de bonheur. Personne n'a vu dans le noir pleurer nos cœurs. On a pris le même chemin à la même heure. On a fait croiser nos destins, souffrir nos cœurs. On a choisi notre choisis mourir avec toi.